Allez, viens, je t'offre un verre au café du coin. On parlera des nanas quand elles s'endorment au soleil. On parlera de tickets gagnants, de tout et de rien. On sera entre copains, on va refaire le monde. Reste pas dans les courants d'air, tu vas la attraper froid. T'as fait con, mais c'est peut-être pas perdu pour ça. À ce jeu-là, mon pote, on ne joue pas. Surtout avec la femme dont on a fait ses rêves. On a tous des coups de vent de travers, mais faut savoir tenir la voile. On n'a rien sans faire le nécessaire. Faut apprendre à faire tourner les dés. Les faut pas faire si tu veux t'allonger. Faut le faire en solo sur une île déserte. Les petites choses à cacher vont prendre de l'effet. Si tu fais pas ce que tu veux, il faut raccommoder. Il faut rentrer, tu vas m'assumer tout ça. Elle va pas te bouffer, elle va te faire la gueule pendant quelques temps. Et si l'amour est plus fort, la planète se remettra à tourner. Oh, on a tous des coups de vent de travers, mais faut savoir tenir la voile. Oh, on n'a rien sans faire le nécessaire pour apprendre à tourner les sur la toile.